Join me on RIG. Oh, la marche, c'est un contrôleur de Nexo. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est là. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Thierry Gallet, c'est une nouvelle année qui débute, 2020, bonne année à toutes et à tous, et surtout à toi, bien entendu, et c'est la saga numéro 436, une saga spéciale que j'ai intitulée « Les Beatles versus les Covers ». Un peu dur à dire, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter de passer des doubles chansons, une fois les Beatles, une fois quelqu'un qui a repris les Beatles, ou une fois, par exemple, George Harrison et quelqu'un qui a repris George Harrison. Ou... Ben oui, comme ça, voilà, George Harrison, ou il y aura du Frank Sinatra. Tiens, je vais vous dire les invités. Il y aura du Frank Sinatra, il y aura Mary Hopkins, il y aura Eric Clapton, il y aura Billy Preston, il y en a plein. En fait, il y a 32 chansons de programmées. Et j'espère que ça va vous plaire. C'est une saga thématique, comme j'en fais relativement rarement, mais j'espère que ça va bien se passer. On va commencer dans quelques secondes pour pouvoir avoir le temps de tout passer. Je vous invite à nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Femmes Fortes. Et puis n'oubliez pas que vous avez également La Saga des Femmes Fortes, les podcasts. Cherchez-le sur Facebook si vous voulez écouter des anciennes émissions de La Saga des Femmes Fortes. Cette saga qui entre en 2020 dans sa 36e année. Je l'ai créée quelque part en 1984. Ma foi, mon vieil âge fait que je ne me souviens plus quand j'ai créé cette émission en 1984, mais je me souviens de l'année, c'est certain, c'était en 1984. Donc, 36 ans de radio, j'en ai un peu plus que ça, j'avais commencé la radio avant, mais 36 ans de saga, c'est assez génial, je n'aurais jamais cru ça quand j'ai commencé. J'avais démarré avec deux bacs de disques et puis des platines tourne-disques, bien évidemment. Et puis là, en 2020, eh bien, c'est un ordinateur qui fait tout. J'ai placé sur un logiciel toutes les chansons que je voulais passer. Je l'ai relié au pupitre de la radio et je vous parle. Et c'est comme ça que ça marche. Et heureusement, oui, également, il y a l'Internet pour pouvoir parler. Ça, je n'aurais jamais imaginé ça avant. C'est une grande, grande joie. Vous avez remarqué que je ne vous ai donné aucun titre. C'est de façon à vous faire découvrir tout au long de cette saga tous les titres qui vont passer. On commence par un chef-d'œuvre immédiatement. Nous sommes en 1967 et c'est John Lennon à son meilleur. I Am The Wars sur RIG. Bonne soirée. Down. I am the Eggman. They are the Eggmen. Like your friend, stand up and retire. Is he dead? Sit you down, father. Rest you. Pour reprendre cette chanson, j'aurais pu faire appel à Russell Brand dans, en 2012, qui a repris I'm the Walrus, à Aldi Muela en 2013, je ne connais pas, The Swingle Singers, Leo Sayer en 76, je connais cette version, je l'ai, également Jack Hill en 98, il y avait Fish, P-H-I-S-H en 2016, Grey Matters en 84, il y aura beaucoup d'autres, Bono en 2007, oui, je crois que je l'ai aussi. Styx l'a repris en 2004, il y a Spooky Tooth en 70, Oasis en 94, et il y avait aussi en 1998, Le Fou, le gars qu'il fallait pour reprendre cette chanson complètement folle, il la reprend avec une envolée complètement dingue, il faut voir la vidéo, elle est géniale, et c'est très très bien fait. Voici Jim Carrey dans l'album In My Life de George Martin qui nous reprend I Am The Walrus sur RIG. See? close and tell me how you feel. Tell me love is real. Of love you whisper soft and true. Darling, I love you. En 1964 sur l'album Beatles for Sale. Cette chanson, à l'origine, a été écrite par Buddy Holly sur un 45 tours sorti le 20 juin 1957. C'est du rock and roll, si l'on veut. Et ce que l'on peut dire sur cette chanson-là de Buddy Holly, c'est que pour l'enregistrer, cette chanson, il utilise sa voix une seconde fois pour faire des harmonies semblables aux Everly Brothers. C'est la première fois qu'un tel procédé est utilisé dans l'enregistrement d'une chanson pop. Cette chanson n'apparaîtra pas dans les charts, mais une version avec des arrangements très différents sera publiée par le groupe canadien The Diamonds et atteindra la 13e place en juillet 1957. Donc, 7 ans plus tard, les Beatles l'ont reprise sur Beatles for Sale avec des arrangements... Avec des arrangements semblables à la version originale. Mais il y a une autre version qui est intéressante, celle sortie par Monsieur Jeff Lynne, le leader et le grand copain de George Harrison et le leader du groupe Electric Light Orchestra, sur l'album Listen to Me, Buddy Holly, sorti en 2011. Voici Words of Love, la cover. On parle des copains de George Harrison, il y en avait un autre également qui l'a aidé à écrire certaines chansons, qui l'a influencé en tout cas, c'est Bob Dylan. Voici d'abord La chanson chantée par George Harrison, If Not For You. Juste après, on écoutera la version de Bob Dylan. fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. Not for you, winter would have no spring. I couldn't hear the robin sing, I just wouldn't have a clue. Anyway, it wouldn't ring true if not for you, if not for you. C'est bien la saga des Fab Four que vous écoutez, mais aujourd'hui, on met l'accent sur les versions des Beatles et les versions des covers, pas forcément la cover, mais voilà, c'est intéressant, histoire de vous passer un peu plus d'une seule cover par émission. Là, il y en a la moitié de l'émission, et celle-ci, cette cover-là, c'est l'original aussi, c'est une chanson de Bob Dylan qui est sortie sur l'album New Morning, enregistré en août 1970, et elle est sortie un mois avant celle de George Harrison sur l'album All Things Must Pass. À noter une autre version très connue par la très belle Olivia Newton-John qui marquait ses débuts dans la musique avec cette chanson If Not For You qui est sortie en mai 1971. Je l'ai aussi, mais je vais pas vous passer trois fois la même chanson quand même. On marque une petite pause pour une anglaise que vous connaissez et que vous appréciez. C'est grâce à elle que vous pouvez tout connaître sur les Beatles, et on revient après avec Come and Get It, la version de Elton John. J'ai trouvé ça pour vous. Lovely Vita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien, allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Vita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. If entre 69 et 70, sorti seulement en 1994 sur l'album Charts Busters Go Pop. C'est un album d'Elton John, de reprise donc d'Elton John. Et de cette chanson-là, Come and Get It, c'est assez curieux. C'est resté inédit pendant pas mal de temps. On le retrouve également sur un album qui s'appelle, qui s'appelle Songs the Beatles Wrote, sorti en 2009, si vous voulez le savoir. Vous voulez avoir la version des Beatles? Il n'y a qu'à demander. La voici. Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. Une des plus belles versions de While My Guitar Gently Weeps, le Jeff Healey Band, sur RIG. Gently weep. I look Sorti en 1990, c'est le second album du groupe de blues rock canadien Jeff Healey Band. Il a composé 6 des 11 titres de l'album, les autres sont soit des reprises, soit ont été composés pour lui. Hell to Pay, c'est donc cet album, a été enregistré en janvier et février 1990 et a bénéficié du soutien de quelques pointures comme George Harrison, Mark Knopfler, Jeff Lynne et Derek and the Dominoes, and the Dominoes, Bobby Whitlock, Paul Schaffer, bref, que des noms connus, à part Whitlock, personnellement je ne le connaissais pas, mais bon. En tout cas, c'est une très très belle version, et puisque on est dans While My Guitar Gently Weeps, je suis obligé de vous passer la version remixée de 2018, qui est absolument fabuleuse, celle des Beatles, sur RIG. jusqu'au bout. While My Guitar Gently Weeps sur RIG 90.7, c'est le retour de la saga des Fab Four en cette année 2020. Nous sommes à la saga numéro 436. J'espère que tout se passe bien pour vous aujourd'hui. Le thème, c'est les covers et les Beatles, ou les Fab Four et les covers, comme vous voulez. Une fois, c'est quelqu'un, les Beatles qui reprennent quelqu'un qui est connu, soit c'est quelqu'un qui est connu ou pas d'ailleurs, peut-être, qui reprend les Beatles. Et là, c'est encore un copain de George Harrison, un copain qui lui a quand même piqué sa femme, sans doute et même très certainement avec le bon vouloir de celle-ci. Il y a une légende qui dit que lorsque il sentait George que sa femme était attirée par Patty, était attirée par Eric Clapton, il aurait dit quelque chose comme vas-y, pars, va avec lui, il vaut mieux deux personnes heureuses que trois malheureuses, quelque chose comme ça, si jamais il avait tenté de la garder, alors que ça, manifestement, ça n'allait plus très très bien. Merci George. Et voici Love Comes to Everyone, on est dans le thème, chanté en 2005 par Eric Clapton sur l'album Back Home. Un très très bon album d'Eric Clapton que je vous conseille. chanson en 1979 sur l'album George Harrison par George Harrison. Vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la saga des Fab Four. Comes to it. Let's go. Back. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very que quelques mois quand est sortie cette belle chanson de 1964, quelle belle année, sur l'album Hard Day's Night, parce qu'il était nécessaire d'intégrer les morceaux dans un scénario déjà écrit et qu'il avait été convenu dès le départ qu'il n'y aurait pas d'histoire d'amour dans le film. John dut chanter If I Fell, cette chanson d'amour, donc à Ringo. Nous sommes dans un studio de télévision et Ringo est censé ne pas avoir le moral, raconte à Paul en 1964. John commence à plaisanter et se met à chanter cette chanson comme si on s'adressait à Ringo. Il était difficile de garder son sérieux et nous avons beaucoup ri en tournant cette scène. If I Fell est l'une des plus belles chansons de John et l'une des plus révélatrices. Elle parle d'une relation extra-conjugale. Il demande à sa maîtresse de lui garantir que s'il quitte sa femme pour elle, elle aimera plus qu'il ne l'a jamais été. C'est l'histoire de quelqu'un qui refuse toute confrontation. Il sait que sa femme souffrira s'il la quitte et il n'acceptera de le faire que si sa maîtresse s'engage envers lui. John raconta plus tard que cette chanson était semi-autobiographique et on sait qu'il n'était pas fidèle à sa femme Cynthia, laquelle à l'époque ne se doutait de rien. « Bien sûr, je suis un lâche », expliqua-t-il en 68, alors qu'un journaliste lui parlait de son premier mariage. « Je n'avais pas le courage de quitter Cynthia et de vivre seul. » John disait que « If I Fell » était sa première ballade réussie et qu'elle annonçait « In My Life », qu'on écoutera un petit peu plus tard, qui sera construite sur le même accord. Il fallait passer une autre version de cette chanson-là. J'ai choisi celle du groupe Maroon 5, que j'apprécie énormément, sur un album qui s'appelle le 22 janvier 2003, « Acoustique en live », tout simplement. Et c'est sorti en 2007. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. I heard that. If I give my heart to you, I Il fallait être à la hauteur. Je vous ai choisi quelqu'un, extrait de l'album In My Life à nouveau de George Martin en 1998. C'est Sir Sean Connery qui nous parle de In My Life et c'est superbe. There are places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead, and some are living. In my life, I've loved them all. And lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. And stop and think about them. In my life, I'll love you more. In my life, I'll love you more. Thank you. Day Tripper est une chanson des Beatles publiée en single en 1965, belle année oui, essentiellement écrite par John Lennon avec l'aide de Paul McCartney. La chanson est éditée en 45 tours au Royaume-Uni le 3 décembre 65, le même jour que la sortie de l'album Rubber Soul, bien qu'elle n'y figure pas. We Can Work It Out se trouve sur la même face pour la première fois, il n'y a pas de face B. Les Beatles viennent d'inventer le concept de la double face A, ainsi pas de hiérarchie entre les deux titres. À cette époque, c'est la face A qui compte, la face B étant considérée comme mineure. Et elles peuvent grimper ces deux faces, enfin cette même face si vous préférez, en tête des hit-parades tranquillement. Day Tripper atteindra la première place des charts britanniques, mais ne sera que numéro 5 aux États-Unis. Pour la composition, elle a été composée et enregistrée dans l'urgence durant les sessions de Rubber Soul, en raison du besoin pressant exprimé par Brian Epstein de sortir un single pour Noël 65. L'autre pièce est donc We Can Work It Out. Les deux chansons constituent d'ailleurs un exemple typique de la collaboration entre John Lennon et Paul McCartney au plus fort de la Beatlemania. En l'occurrence, Day Tripper est principalement écrite par Lennon, c'est-à-dire la plupart des paroles et le thème musical sur une structure rock standard, mi-la, je n'y connais rien, je ne fais que lire, incluant le fameux break de guitare en si et au milieu, au milieu du morceau. Paul apporte son concours pour les paroles. Dans son interview de 1970 pour le magazine Rolling Stones, John Lennon utilise Day Tripper pour décrire leur technique de composition en tandem, où l'un amène l'idée, en général paroles et musique, et l'autre à l'autre qui aide à compléter la chanson. Selon l'état de l'avancement, l'apport sera anodin ou complètement décisif. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette belle chanson. Et pour faire la cover de celle-ci, je vous ai choisi un groupe qui, dans les années 1980, sur l'album All Shook Up, je pensais que c'était plus tôt que ça. Voici Cheap Trick qui nous chante Day Tripper sur RIG. saga des Fab Four tous les mercredis de 20h à 22h sur erigfm.fr. Et c'est avec... Avec Kiki. Non. Chanson de 1973 sur l'album Living in a Material World de George Harrison. En 2004, sur l'album de 2004, Billy Preston, Beatles Salute, c'est Billy Preston donc, qui reprend la chanson avec le titre raccourci, Give Me Love, tout court. me life, give me life, keep me free from hurt, give me hope, help me, help me go help with this heavy load, trying to touch and reach you with heart and soul. Oh Lord, my Lord, won't you please, please, please, please take hold of my hand. Oh yes, that I might understand. Touch and reach you with heart and soul. Oh Lord, my Lord, won't you please, please, please take hold of my hand. Oh yes, that I might understand. And reach you with heart and soul. Oh Lord, my Lord, won't you please, please, please, please take hold of my hand. Oh yes, that I might understand. On va rester avec George Harrison et cette superbe chanson de 1970 sur l'album All Things Must Pass. Voici Isn't It a Pity. Montez le son, c'est un chef-d'œuvre. Vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la saga des Fab Four. Pain. How we take each other's chez les copains de George, mais tous les copains, pour le concert pour George. Oui, c'est encore Billy Preston qui chante, mais il est accompagné par tous les potes de George pour chanter cette chanson, Isn't It a Pity, en live. Qu'est-ce que j'aurais aimé être à ce concert.

C'était la version de Paul McCartney en 1984 sur l'album Give My Regards to Broad Street, s'il vous plaît. Ah, c'est la fête de George Harrison. Run so far sur RIG. Oui, j'ai failli dire Run for Your Life, ce qui n'a aucun rapport. Internautes de Facebook, la saga des Fab Four, ont inventé le « Je suis en avance sur l'animateur » parce qu'ils ont trouvé la cover, c'est bien l'extrait de l'album Journeyman, Eric Clapton qui nous chante « Run So Far » sur RIG. Bravo. Can't get away, and you know you can't.

be by sign. De Mary Hopkins, Goodbye, ce sera pour une autre fois aussi. Je veux rendre à l'heure, ou à peu près, pour Eric, pour cette première émission de 2020. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci d'avoir écouté RIG et d'avoir écouté la saga des Fab Four, la première de 2020. Et je souhaite une très très bonne année à mon pote et ami depuis je ne sais plus combien d'années, Eric, qui va suivre dans quelques secondes avec sa fantastique émission Johnny de A à Z. À très bientôt. Salut, ciao.